Le désir de cette démarche ne le quitta plus. C'était une épreuve de ses forces qu'il voulait faire. Si bien qu'un jour, tout à coup, il vernit lui-même ses bottes, acheta des gants blancs, il se mit en route, se substituant à Frédéric et s'imaginant presque être lui, par une singulière évolution intellectuelle où il y avait à la fois de la vengeance et de la sympathie, de l'imitation et de l'audace. Il fut annoncé, entre guillemets, le docteur Delaurier. Madame Arnaud fut surprise, n'ayant réclamé aucun médecin. Ah, mille excuses, c'est docteur en droit. Je viens pour les intérêts de M. Moreau. Ce nom parut la troubler. Tant mieux, pensa l'ancien clerc, puisqu'elle a bien voulu de lui, elle voudra de moi, s'encourageant par l'idée reçue qu'il est plus facile de supplanter un amant qu'un mari. Il avait eu le plaisir de la rencontrer, une fois, au palais. Il cita même la date. Tant de mémoire étonna Madame Arnoux. Il reprit d'un ton doucereux. Vous aviez déjà quelques embarras dans vos affaires. Elle ne répondit rien. Donc, c'était vrai. Il se mit à côté de